Chapitre 21. Julie la peste. Ragdal avait tranquillement endossé son pardessus. Sa voiture, un coupé de remise, rien que ça, l'attendait à la porte. Il dit à son cocher « Chez moi ». Cela voulait dire « Passage Stevens » où il avait une garçonnière. Depuis peu, oh, une riche occasion, une grue à la côte dont il avait racheté tout le bazar en bloc et pas cher. Mais enfin, c'était raqué. Gueule d'empaignée la poilue en rôtait positivement, prise tout d'un coup d'un grand respect pour Ragdal. Celui-ci les recevait maintenant et organisait des quadrilles à domicile. On ne s'embêtait pas un seul instant. Le marle? Non. Le maître offrait du champagne et il en vendait. Il vendait de tout même, surtout des gonzesses, sous prétexte de lancer des artistes. Les vieux y trouvaient leur compte, et lui aussi. On jouait, naturellement, et la police ne voulait pas le savoir. Et tout ça, organisé d'un coup, du jour au lendemain, c'était beau. Ah non, on ne s'emmerdait pas chez Ragdal. Cette nuit-là, il n'y avait personne, pas de réception chez lui. Seulement, Julie l'attendait, pantelante de désir. Cette fille en pinçait dans les grands prix pour son orgne, pour lui. Il le savait et la faisait poireauter en conséquence. Jusqu'à présent, il ne s'était fendu que d'une tournée sur la butte et l'avait épatée par ses poignées de mains artistiques et ses sourires discrets aux taupes. Mince, qu'il était recherché, le monsieur! Julie en avait l'œil humide, elle en bavait de se payer ça. « Tu ne me tromperas pas, lui disait-elle, tu n'iras pas avec d'autres femmes. Tu parles, mignonne. Au grand jamais, tu juges. » Elle avait même émis cette proposition saugrenue. « Puisque tu es seule et riche, pourquoi ne me prendrais-tu pas tout à fait avec toi ?»« Hélas, avait répondu Ragdal en se grattant l'oreille, c'est impossible, sans ça. » « T'es donc marié ?» Il avait répondu d'un ton funèbre. « Oui, ne me parle plus de ça, tu vois. » Et Julie la peste l'avait consolée en clabaudant contre ces gerces de femmes, les légitimes, les emmerdeuses. Leur si courte liaison collait déjà bien, et on a vu quel parti Ragdal en avait tiré. Mais il n'était pas homme à s'éterniser dans le bleu. Julie avait livré tous ses secrets, ceux de Bonheur et d'Adrienne, sur l'oreiller du beau type, heureuse comme une gourdée de l'attention qu'il lui prêtait, comme on pense. Elle avait même inventé une histoire pour découcher de l'hôtel de Charmeuse. Sa mère, qu'elle n'avait jamais connue, était malade. Et pour près de tant de bel amour et de santé, Ragdal la rembarra en rentrant. « Ah, souper des histoires de tes pipelettes, j'en ai mon fade !»« Voilà le plaisir, mesdames. »